Si local, puis un après-midi sec, il fera de 8 à 13 degrés pour vendredi, journée sèche dans les terres et pluvieuses et en bord de mer. Et sur les thermomètres, comptez 7 à 12 degrés. Le week-end, enfin, risque de pluie si les deux jours, mais aussi des éclaircies et au mieux de 13 à 15 degrés. C'était un discours attendu après un mois de mobilisation à travers toute la France. Emmanuel Macron s'est adressé aux Gilets jaunes ce mardi. Il a affirmé comprendre la colère sourde. Dans un discours de plus d'une heure, le président a présenté son plan de transition écologique. Parmi les annonces, une concertation dans les trois mois à venir, une fiscalité adaptée sur les carburants, un plan de 7 à 8 milliards sur les énergies renouvelables. Des annonces que les Gilets jaunes normands ont accueillies avec méfiance. À 17h30 hier, la préfecture de la Seine-Maritime a dressé le bilan de la 11e journée de mobilisation dans le département. On constate à la fois une nette baisse de la mobilisation et en même temps une certaine radicalisation du mouvement. C'est ce qu'a indiqué Benoît Lemaire, le directeur de cabinet de la préfète. Nous recensons environ un tiers de manifestants en moins par rapport à la journée de lundi et trois quarts de moins par rapport à la journée de mardi dernier. Les services de l'État ont précisé qu'une nouveauté a par ailleurs été observée dans le département de Seine-Maritime sur la journée de ce mardi. Des gilets jaunes se sont en effet rassemblés devant des institutions publiques et ce pour la première fois depuis le début du mouvement. Des manifestants se sont ainsi réunis devant la préfecture de Rouen. Dans l'heure, des rassemblements de gilets jaunes étaient toujours en cours. Hier soir, à Vernon, devant l'hôtel des impôts et dans le centre-ville, à Eudebouville, du côté d'Écoparc, à Beuzeville, à proximité de la 13, à Gisors, au niveau du rond-point de Paris. Des perturbations étaient également toujours recensées hier après-midi à Louviers, Carcix, au rond-point de Malbrouck, aux Andelys, au rond-point des Trois-Rois, à Nonancourt, sur la N12 et la N154, à Verneuil-sur-Ave, à Fleury-sur-Andelle, au rond-point du Val-aux-Biche, à Gaillon, à Évreux-Cocherel, au Neubourg ou encore à Saint-André-de-l'Eure. Notre ADN, c'est le lien entre l'emploi et le logement. Il ne faut plus que les salariés refusent un emploi à cause de la problématique du logement. C'est ce qu'a martelé lundi Jacques Furon, le président du comité régional Action Logement Normandie. Lundi, Action Logement et le département de l'Eure ont donc signé une convention de partenariat en faveur du logement des salariés. Concrètement, un jeune salarié qui emménage après avoir décroché un emploi dans l'Eure va pouvoir bénéficier d'une aide de 300 euros maximum pour équiper son nouveau logement. Machine à laver, réfrigérateur, meubles, literie ou encore vaisselle. Ce matériel devra être acheté auprès d'une entreprise d'insertion recyclant l'électroménager et le mobilier d'occasion. La ressourcerie, l'abri et le réseau Envie sont partenaires de cette opération. Imaginez un jeune qui quitte le domicile familial. Il a un diplôme, un job, un appartement. Il est chanceux, mais il arrive dans un appartement vide et il n'a pas les moyens de se meubler. C'est ce qu'a résumé Diane Leseigneur, la vice-présidente du département en charge de l'urbanisme. Pour bénéficier de ce pack, il faut avoir entre 18 et 35 ans, détenir un contrat de travail d'au moins 6 mois et notamment remplir les conditions de ressources, de budget mensuel et de composition familiale établies par le département. Les co-signataires visent une cinquantaine de candidats à l'année. Deux personnes ont déjà déclaré leur intérêt. Cette convention s'accompagne d'autres mesures, comme la rénovation des logements en centre-bourg et l'accompagnement des personnes à mobilité réduite dans l'accès et le maintien dans le logement, avec des aides financières pour des travaux. Les demandes du pack installation sont faites uniquement via le site internet vosaides.eure.fr. Chaque année, la Maison des entreprises de l'Eure, associée au MEDEF 27, organise les trophées des ambassades Eure. Trois entreprises sont en lice en 2018, la brasserie artisanale La Chambraisienne à Chambray, la microcrèche Amstramgram à Vernon et la petite Gabelle à Évreux. Vous avez la possibilité de voter jusqu'au samedi 1er décembre. Tous les prix seront remis aux 5 entreprises lauréates le lundi 3 décembre au cours d'une soirée qui aura lieu à Évreux. Une soudaine envie d'uriner a conduit un homme de 41 ans en garde à vue. La scène s'est déroulée dimanche vers 1h30 du matin. Une patrouille de police en surveillance rue de Buzot à Évreux a remarqué dans la pénombre cet homme qui se mettait en position pour satisfaire un besoin naturel sur la voie publique. Les policiers de la BAC se sont approchés et ont constaté que l'homme était en état d'ivresse. Rien de bien grave, mais au moment où il voulait le contrôler, le quadragénaire s'est emporté brusquement et a insulté les fonctionnaires de tous les noms d'oiseaux. Résultat, les Broïciens étaient embarqués et placés en garde à vue pour outrage et ivresse publique manifeste. Il est ressorti après dégrisement quelques heures plus tard de l'hôtel de police, avec en penche une convocation devant le tribunal pour le 20 mai prochain. Très belle journée sur Cristal. Take it and I'll make you fly over. You won't make it through. I need some love to get a little bit sober. Won't say goodbye. You won't regret when you're a little bit older. Because Tenu la distance et je te hais de tout mon cœur. La première hit radio en Normandie. Le rappel des titres sur Cristal, François Poulet, bonjour à tous. Un mot de la météo pour débuter, un ciel encore gris pour la matinée de ce mercredi 28 novembre sur toute la région et parfois quelques gouttes sous un vent assez fort. Il atteint 70 km/h côté Cotentin. Les températures minimales varient ce matin de 6 à 10 degrés. Cet après-midi, plafond gris généralisé donnant encore de faibles pluies avec un vent fort et de 11 à 14 degrés. C'était un discours attendu après un mois de mobilisation à travers toute la France. Emmanuel Macron s'est adressé aux Gilets jaunes ce mardi. Il a affirmé comprendre la colère sourde. Dans un discours de plus d'une heure, le président a présenté son plan de transition écologique. Parmi les annonces, une concertation dans les trois mois à venir, une fiscalité adaptée sur les carburants, un plan de 7 à 8 milliards d'euros sur les énergies renouvelables. Des annonces que les Gilets jaunes normands ont accueillies avec méfiance. Selon la préfecture de la Seine-Maritime, qui a dressé un bilan de la 11e journée de mobilisation hier dans le département, elle a constaté à la fois une nette baisse de la mobilisation et en même temps une certaine radicalisation du mouvement. Du côté de l'heure, des rassemblements de gilets jaunes étaient toujours en cours hier soir, notamment à Vernon, à Beuzeville, à Louviers ou encore du côté de Gaillon et Évreux. Et puis lundi, Action Logement Normandie et le département de l'Eure ont signé une convention de partenariat en faveur du logement des salariés. Concrètement, un jeune salarié qui emménage après avoir décroché un emploi dans l'Eure va pouvoir bénéficier d'une aide de 300 euros maximum pour équiper son nouveau logement. La première hit radio en Normandie.

pour se vider la tête, tout oublier, tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. J'espère que ça va ce matin, que vous êtes déjà d'attaque pour cette journée. C'est mercredi, les enfants n'ont pas école, mais nous, oui, on travaille. Même le mercredi, certains partent bosser, d'autres reviennent en ce moment. Bon réveil et bonne nuit, voilà, pour certains. Sinon, pour les températures, c'est déjà doux hein, ce matin. 8 degrés à Évreux chez Christian, 8 aussi à Rouen et dans le Calvados à Lisieux, 9 degrés. Voilà, envoyez-nous vos températures sur le Facebook, n'hésitez pas. Il est bientôt 6h, on va s'écouter le dernier Dua Lipa, oui, juste avant l'info, mais d'abord, c'est votre horoscope avec Alexandra. Bonjour Alex. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui mercredi le 28 novembre, votre horoscope. Les béliers, si vous êtes célibataire, vous pourriez vous montrer assez impatient vis-à-vis de vos prétendants. Taureau, vous ne rechercherez pas particulièrement la présence de vos amis, vous préférez décompresser seul chez vous. Gémeaux, un bain chaud et un bon bouquin, voilà le meilleur moyen d'oublier vos ennuis. Cancer, Mars commence à agiter votre mental, vous mangez et vivez à 100 à l'heure, des imprévus sont possibles. Lion, vous irez vous réfugier chez vos amis si le moral vous manque et vous en aurez besoin. Vierge, l'amour vous rend plus fort et plus sûr de vous. Vous êtes sur un petit nuage aujourd'hui. Balance, toujours à droite à gauche, hein, vous ne vous arrêtez pas une seule minute. Reposez-vous, reprenez votre souffle. Scorpion, votre besoin d'indépendance se fera plus fort et vous risquez de vous montrer brutal. Sagittaire, vous prendrez conscience que quelque chose a besoin de bouger, d'être changé. Capricorne, vous vous sentirez en proie à des tiraillements, des doutes, rien d'important, juste un peu de vague à l'âme. Verseau, malgré l'amour que vous portez à votre partenaire, vous aurez le sentiment qu'il ne se dévoue pas pour vous comme vous le souhaitez. Dans votre travail, les poissons, vous ne laisserez aucune place au hasard. Ce sera vous qui allez décider. Excellente journée à tous. Merci Alex, très bon réveil en Normandie. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh baby, giving up my ghost for you. Now I'm see through. You give me a feeling, feeling so strong. Treating yourself wrong, so let me care for you. Ooh, baby. come ready.